La mer, roman ouessantin de Bernard Kellermann, traduit de l'allemand par Georges Sautreau. La mer. Nous avions tout ce que le cœur peut désirer. Nous avions des femmes à foison, nous avions à boire, nous avions des tempêtes qui tourbillonnaient à une vitesse de 90 nœuds. Nous n'avions besoin de rien. Merci, passez votre chemin. Dans notre île, il n'y avait ni arbres, ni buissons. Elle avait l'air d'une chaîne de montagnes tombée en ruine, et tout autour, les écueils râlaient dans le ressac. Mais nuit et jour, il tonnait. Écoute, c'était la mer. Il ventait, le vent criait continuellement, et quand un humain passait sur la lande, il ondoyait comme un drapeau en loques. À toute heure du jour et de la nuit, les mouettes stridaient. L'île et la mer leur appartenaient. Parfois, l'île s'abîmait littéralement sous leur déchirant bruit de lime. Quand je nageais là-bas près des récifs, elles tendaient leurs têtes blanches, inquiètes. Il y en avait 3, 5, 10, mais dès que j'approchais, il y en avait des centaines, des milliers. Elles tournoyaient en strident, m'enveloppant comme un nuage grondant d'orage, et j'étais saisi d'une terreur mystique tant leur nombre était grand. Et souvent encore, elle crie dans mes rêves. En route, la grande voile fait un bruit de tonnerre et nous filons. Nos muscles sont durs et nos cœurs sont d'acier sonore. Je ne saurais plus dire quand mon regard tomba sur Rose Hare pour la première fois. Je sais seulement que c'était un jour de courrier, au printemps. Rose Hare était l'unique fille blonde de l'île et il est possible que ce soit justement par là qu'elle fit impression sur moi. À proprement parler, elle n'était pas blonde, mais jaune, si l'on peut dire. Toutes les autres, par contre, étaient noires, et je les connaissais toutes. De temps à autre, nous entreprenions une expédition, Yann, le petit capitaine, Poupoule, mon chien, et moi, et c'est dans ces explorations que je faisais leur connaissance. Il y avait dans l'île 3 fois plus de femmes que d'hommes, car les hommes servaient sur les bateaux, et Dieu sait où ils étaient. Tant qu'elles étaient jeunes, elles étaient belles, et vieilles, nous les évitions. Elles étaient brunes et cuites par le soleil, et le sang flambait sur leurs joues et dans leurs yeux, comme si elles sortaient d'un four incandescent. Elles avaient de fortes dents blanches et des cheveux d'un noir de jais, qu'elles portaient, dénoués et épars, sur les épaules. Elles avaient le cœur simple, elles étaient gaies et brillantes, et elles n'hésitaient pas longtemps, car elles n'avaient ni le temps ni le choix. Yann et moi, nous nous mettions sous pression dans un quelconque petit bar, puis Yann me regardait avec des yeux brillants et humides, et il me bourrait les côtes. « Hé hé !»« Bon, » disais-je. Yann et moi, nous nous comprenions d'une manière quasi mystérieuse. « Mais encore un verre !»« Hé, patron, encore un verre, vivement !» Nous démarrions, et aussitôt nous partions à toute allure, comme si c'était une question de vie ou de mort. Nous n'avions pas une minute à perdre. « Seulement pas de façon, tu entends, » disait Yann. « Elles n'attendent que ça. »« Tiens, » disais-je, agacé de la perpétuelle tutelle de Yann, « ai-je fait des façons, sacré nom de Dieu ?»« Allons, allons !» Yann riait. Il faisait nuit, tout dormait. Les feux des phares nous poursuivaient comme de gigantesques lanternes sourdes et nous nous glissions comme des voleurs entre les masures. Souvent, il fallait nous tapir derrière un mur bas pour ne pas être vus. « Baisse-toi !» commandait Yann. Puis Yann frappait à une fenêtre. « Ouvre ! Ouvre donc !» Il frappait patiemment une heure durant en murmurant « Ouvre ! C'est moi, Yann !» Enfin, le verrou cliquetait et Yann se coulait dans la maison. J'attendais. Les nuages noirs roulaient par le ciel. Le vent faisait claquer mon paletot. J'avais froid. Enfin, Yann revenait, l'air rassasié et échauffé. Rien à faire aujourd'hui avec elle. « Rien ? Non, nous avons choisi un mauvais jour. Oh, Yann ! Et nous gouvernions dans une autre direction. Ouvre ! Ouvre donc, c'est moi, Yann ! Nous prêtions l'oreille, Poupoule grognait. Ouvre ! Ouvre donc ! Dans les masures de pêcheurs régnait une odeur douce et puissante, comme dans une étable. « Embrasse-le, marche ! » commandait Yann. « C'est mon ami, Napoléon. Tu n'as jamais entendu parler de lui ?» Puis nous tenions la barre quelques lignes à l'ouest et nous frappions à une auberge écartée pour prendre des forces. L'hôte réveillé était frustré de son repos nocturne, mais comme nous avions une magnifique addition de 1 franc et que nous payions comptant, nous étions les bienvenus. « Maintenant, nous allons à Stiff, » disait Yann. « Une demi-heure. C'est là que demeure Jeanne. Mais il faut prendre garde. Il faut qu'elle sorte. » Yann était insatiable. « Crois-tu qu'elle sortira, Yann ?» Yann s'arrêtait et enfonçait sa casquette sur la nuque. « Quand c'est moi qui frappe, hé !» C'est de la sorte que je faisais connaissance avec les beautés de l'île. Je ne veux pas prétendre que nous souffrions de la disette, ce serait de l'ingratitude rien de moins. Mais je n'avais pas encore vu Rother. Un mercredi, je me rendis au port pour voir si le commissionnaire entrerait sain et sauf. La mer était agitée. Les pêcheurs se tenaient en haut des rochers qui dominaient la baie comme des tours, et sans un mouvement, ils regardaient le commissionnaire. Parfois seulement, ils crachaient, mais sans bouger. Ils avaient l'air fripés et déchiquetés, desséchés par le soleil, les yeux rodés par le vent. Beaucoup semblaient sortir de l'eau, les cheveux clairsemés collés aux tempes, les bourgerons pendant aux épaules. Près d'eux se tenait Joël, le marchand et le roi de l'île, en veston de cuir noir, la longue vue aux yeux. Son visage, rouge cire à cacheter, respirait l'aisance. Il portait toute sa barbe, une barbe noire qui crépitait de santé. « Oh là là » cria-t-il. Il secoua la tête d'un air soucieux, car le commissionnaire lui appartenait. Dans le lointain, quelques loques de toile au bout de ses vergues, le cutter pataugeait dans la houle mugissante, ensevelie sous les paquets de mer. Parfois, il s'enfonçait jusqu'à la pointe du mât. « Adieu !» Non, il émergeait de nouveau. Derrière lui, la pluie noirâtre tombait obliquement. Soudain, tous les pêcheurs retinrent leur souffle. Si maintenant une voile craquait, ou si le vent cessait une seule minute, de nouveau ils crachèrent. Tout danger était écarté. Dans les niches des roches, les femmes des pêcheurs étaient accroupies par petites troupes comme des poules que le vent a soufflées dans un coin. Sur elles, tout flottait. Les chevelures noires dénouées, les rubans des coiffes blanches, les jupes. La brune Jeannette était assise parmi elles et elle leva les yeux vers moi en souriant. Je me tenais près des pêcheurs, immobile comme eux, et par moments seulement, je retirais ma pipe de ma bouche et je crachais à la manière américaine entre les dents. J'avais atteint la perfection dans ce genre d'exercice. Le commissionnaire amena ses voiles et avec un bruit de ferraille, il jeta son ancre rongée. Un petit nuage de rouille s'éleva dont l'odeur parvint jusqu'à moi. Aussitôt, à l'accoutumée, on vit sortir du port ce petit bateau qui se mouvait à la façon d'un tétard, car on le manœuvrait avec une seule rame en poupe. Une demi-douzaine de paquets ondoyants, des êtres humains, des ballots, une bande de petits cochons, tout cela fut jeté dans le bateau avec la hâte propre aux gens de mer, une fois au travail. En un clin d'œil, le canot fut plein à couler. Les porcs criaient à tue-tête, et dans les niches des rochers, les femmes gloussaient de rire. Mais soudain, elles se mirent à appeler. Elles faisaient le moulinet avec leurs bras en criant « Rosewer, Rosewer !» À la proue du petit bateau dansant sur les vagues, se tenait une jeune fille avec des cheveux de cuivre jaune flottant au vent. Je ne l'avais encore jamais vue. Elle avait des cheveux jaunes et son attitude était si calme. Les porcs, hurlant, furent jetés à terre, les ballots, le sac postal et toute une montagne de grosses miches avec une croûte gris crasse. Les porcs les piétinèrent, la vague jaune les lécha et en teignit quelques-unes en brun avant que Joël ait pu les garer. « Attrape, attrape » criait-il. Et un galopin à la culotte dépenaillée, le protégé de Joël, sauta au beau milieu de la montagne de pins. Rosher débarqua adroitement du canot entre deux vagues et grimpa vivement le sentier dans un claquement de sabots. Plus elle approchait, plus ses cheveux devenaient jaunes. Elle était petite et mince, une jeune fille de 16 ans. Elle portait une coiffe blanche, un fichu sur les épaules, et elle était vêtue de noir comme toutes les femmes de l'île. Nous nous tournâmes vers elle, les pêcheurs le firent sans bouger les pieds, leurs sabots étaient cloués au sol. Kédril retira sa chique de sa bouche et la mit dans sa casquette, sur sa tête. « Voilà Rosewer de retour » dit-il. Les autres ne dirent mot. Ils faisaient gicler le jus de tabac entre leurs dents et hochaient la tête avec une affabilité d'enfant. On le voyait bien qu'elle était là. À ce moment, Rosewer nous regarda. Ses cheveux jaunes flottaient autour de son petit visage puéril et elle les écarta de la main. Les femmes lui crièrent quelque chose en riant et elle me considéra de la tête aux pieds avec curiosité. Je retirai ma pipe de ma bouche, mais sans changer de mine. Alors le regard de Roseher revint encore à moi et s'attacha sur ma main où je portais une bague insignifiante, puis elle me lança droit dans les yeux un regard rapide. Mais qu'était-ce donc que ce regard ? Les femmes eurent un large rire, caquetèrent et partirent avec Roseher. En un clin d'œil, le vent les avait soufflés derrière le coin. Mais avant de disparaître, Roseher regarda encore une fois en arrière. En bas, dans la baie, le commissionnaire se balançait, abandonné. Un matelot en chemise rouge grimpa sur le pont. Le facteur et receveur des postes se mit au travail. Armé jusqu'aux dents, il se jeta en pleine mêlée. Il portait de hautes bottes de cavalerie et brandissait à la main un ridicule petit panier avec les lettres. Son service était meurtrier. Où qu'il arrivât, il lui fallait boire un petit verre. Mais le soir, il revenait toujours victorieux, baigné de sueur et soufflant comme un hippopotame, s'effondrer dans le bar de Schickel sous l'énorme fardeau de sa responsabilité, de son importance et d'un service infernal pour lequel il avait rassemblé des forces 8 jours durant. La charrette au bidet blanc vint enlever les sacs et les ballots. Ce bidet, en marche ou à l'arrêt, vivait dans une sorte de constante génuflexion. Il avait une bordure rouge autour des yeux et des naseaux. Il était presque complètement glabre. Il s'endormit instantanément et le galopin lui chatouilla l'intérieur des naseaux avec un brin de paille sans le moindre succès. La charrette partit. Le calme était rétabli dans l'île pour toute une semaine. J'achetais au village pour 2 sous de poisson et je retournais à la villa des tempêtes. « As-tu vu qu'elle a regardé ta bague ?» me dis-je à moi-même. « Elles sont bien toutes les mêmes à travers le monde entier. Comme elle a les cheveux jaunes, oh oh !» « Ce n'est presque pas permis, hein, Poupoule ?» Soudain, son regard me revint à l'esprit, singulier. C'était un... comment dirais-je ? C'était un regard comme en ont les fous.